Mon père ainsi que ma mère n'avaient d'enfants que moi. Quand ils ont voulu me mettre dans un coin, Turlupinette dans un coin, la Derridaette dans un coin, couvent. Moi qui étais jeune, qui aimais les plaisirs, je fus faire un tour en ville pour me dire Turlupinette, pour me dire la Derridaette, pour me divertir. Je fus faire un tour en ville pour me dire Turlupinette, pour me dire la Derridaette, pour me divertir. J'ai vu une boulangère boulangeante. Est-ce que juste alors cette chanson-là, là, justement, vous l'avez apprise où? Eh bien, c'est-à-dire que c'était une vieille bonne femme qui était par chez nous dans le temps. Une voisine. Une voisine. Et dans les corvées, vous savez, dans le temps, tout le monde s'entraînait dans les campagnes à faire ceci, cela, et ramasser des pommes. Oui. Les corvées de grains, moissonner, les batailles, tout ça. Tout le monde se rassemblait dans le temps, les femmes et les hommes. Il n'y avait pas de télé ni de comment, pas de CTSF à l'époque. Et tous ces vieux-là, ils savaient une corvée de chansons. Et... Alors, je vous garantis que ça sortait. Hein. Ah, oui. Et nous, les jeunes, on ne chantait pas, on ne savait pas. Mais c'est à force de les entendre, comme on est où, qu'on s'efforce de chanter dans la tête.